Bonjour, je suis Félix. Les sacs d'eau qui animent cette bouillie ont tellement de problèmes techniques depuis 3 semaines que je ne me forcerai pas le processeur pour les introduire, à moins que ça consiste à leur introduire une drill dans le crâne. Bon podcast. Bonjour tout le monde, mon nom est Bernard Ouellette. Mon nom est Alexis Cornelier. Et mon nom est Jean-François Roy. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette autre édition du podcast Mac Québec, un podcast qui vous renseigne sur le monde d'Apple, bien sûr, tout ce qui se passe dans le milieu du monde d'Apple. Donc ce soir, une émission qui va nous faire découvrir des choses, qui va nous renseigner sur un paquet de nouveautés également. Alors, on a une nouveauté, Alexis, que tu veux nous présenter, c'est les coups d'ose et les coups de dose. Ouais, je vais pas le cacher. En fait, moi, il y a 2 podcasts que j'écoute beaucoup qui sont l'analyse des geeks et les mystérieux étonnants. J'essaie aussi un peu d'aller troller sur le canal de Radio Talbot quand je peux l'écouter. Mais dans l'analyse des geeks, en fait, il y a un segment très populaire qui s'appelle les Epic Wins et les Epic Fails. Et cette semaine, j'écoutais Radio Talbot, puis ils ont donné un coup d'os à quelqu'un. Puis à un moment donné, il y a comme quelqu'un qui a parlé en même temps que quelqu'un d'autre, et j'ai cru entendre coup de dose. Puis là, j'ai fait comme, hey, ça pourrait être notre segment Epic Win, Epic Fail à nous autres. C'est-à-dire que, je vais vous l'expliquer un peu, mais ça serait coup d'os ou coup de dose, tu sais. Fait que coup d'os, c'est bon. Coup de dose, ben c'est coup de dose d'en face. Là. Okay. Le coup d'os, c'est un bon coup. Puis voilà. Un coup de dose, c'est un mauvais coup. Ben, en tout cas, je sais pas si toi, tu cours après ça, mais moi, j'essaie de me tenir loin. Tu sais. Généralement, je cours pas après les doses. Les coups de dose, oui. C'est que au podcast Mac Québec, on a quand même des opinions sur d'autres sujets que Apple. Et on peut rarement en parler parce que on discute que du Apple. Donc, le segment coup d'ose, c'est pour commencer le show. C'est optionnel. Et si cette semaine, on a un coup d'ose à donner ou un coup de dose ou les deux, à ce moment-là, on le fait. Fait que moi, j'ai un coup de dose cette semaine. En fait, je viens juste de l'avoir. En ce moment, en même temps que l'enregistrement du podcast et en même temps que les gens qui sont ici et qui nous écoutent, il y a une gang de morons qui font un podcast et qui sont en train de diffuser la bêta de Diablo 3 online, alors que la bêta est privée. C'est une bêta, c'est seulement un certain nombre de personnes. Bon, c'est sûr qu'il y a 1 million de personnes qui ont été invitées, mais quand même, il y a un NDA qui est signé. Ils n'ont pas le droit de faire la diffusion et ils le font quand même en sacrant complètement du produit. Fait que ça, c'est mon coup de dose. OK. Je les nommerai pas, là, ils savent. Je pense qu'ils savent qui ils sont. Voilà. Donc, c'est une bêta privée, finalement. On n'a pas le droit de... Ben, tu sais, quand tu as accès à cette information-là, c'est pour, un peu avant les autres, pouvoir, tu sais, te faire la main dessus, l'essayer, tout ça, parce que toi, ton opinion va avoir de l'importance quand le NDA va tomber. C'est ça. Fait que là, ce qu'ils font, c'est que ils sont en pleine période de NDA, puis ils sont en train de diffuser ça live. Fait que c'est mon coup de dose de la semaine. OK, mais qui avait le droit d'accéder à ça? Des développeurs, généralement? Ou... Dans le monde de l'informatique, oui, mais dans le monde du jeu vidéo, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un événement autour de ça. Et c'est les gens qui ont acheté le coffret Collectors, je crois, okay, qui ont pu s'inscrire, ou des gens qui sont inscrits pour avoir droit au bêta sur battle.net. Mais est-ce qu'on peut s'attendre, si c'est distribué à des millions de personnes, on doit s'attendre que ce ne seront pas les seuls à sortir des choses. On va sûrement voir des choses sur YouTube ou dans d'autres podcasts ou dans des sites. C'est clair. Habituellement, en fait, moi, je sais pas où est-ce que vous écoutez vos affaires. Moi, j'en vois pas tellement, tu sais, des shows qui font leur annonce en disant « Hey, à soir, fuck le NDA, puis on va diffuser ce qu'on n'a pas le droit de diffuser. » Habituellement, c'est parce qu'ils cherchent le trouble, tu sais, c'est comme essayer de faire une figurine de Steve Jobs, là. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Voilà. Et as-tu un coup d'ose, un bon coup pour nous Cette semaine. J'en aurais pas. Ouais. Ah, moi, j'aurais Apple qui a sorti une mise à jour de Final Cut Pro X. Une grosse mise à jour qui corrige un paquet de choses que les gens avaient. C'était plein dans la version. Et ils ont corrigé beaucoup, beaucoup de choses. Pas l'ensemble, mais beaucoup de choses. Et incluant Compressor, également une mise à jour. Et ils ont répondu à l'appel. Et je pense que ça va ralentir un petit peu la fuite vers d'autres logiciels. Parce qu'on commençait à avoir une ruée, ou en tout cas un début de ruée vers des logiciels concurrents comme Avid. Adobe Premiere Pro ou bien Avid. Ouais, voilà. Donc, ça, je lève mon chapeau à Apple qui ont bien répondu aux critiques et ont apporté beaucoup de corrections dans la dernière mise à jour de Final Cut Pro. C'est mon kudos de la semaine. C'est toi, Jean-François? Moi, j'ai un kudos présentement. Oui. Il y a des gens qui sont dans le chat présentement qui disent on ne te voit pas, mais c'est parce que présentement, il lit via iPhone. Parce que ton ordinateur, je pense qu'il y a un petit pépin. Oui, j'ai eu un... Mon disque dur s'est corrompu, genre à comme 7h45. Je n'étais plus capable d'ouvrir mon Mac, fait que mon disque dur s'est corrompu. Fait que là, je suis en train de réinstaller macOS. Fait que dans 5 minutes, même pas, j'ai fini l'installation, toute la mise à jour. Fait que je vais me déconnecter de Skype puis je vais revenir sur Vocal sur mon Mac. Fait que en 45 minutes, là, c'est assez vite, merci. Ouais. Réinstallation complète, oublie pas de télécharger Skype. Ouais, c'est déjà fait, mais je suis en train de rentrer mon nom dedans. Là. C'est bien. Fait que je vous reviens dans 2 minutes. Excellent. On va regarder notre petit document pour voir justement les annonces. Ben justement, la première nouvelle, c'était Final Cut Pro avec l'engin multicaméra. Donc là-dedans, la mise à jour, il y a eu plusieurs ajouts, dont l'engin multicaméra, Chroma Key avancé, meilleure exportation, metadata XML. Importation, oui. Oui, excuse-moi. C'est l'importation XML. Puis, en fait, c'est la meilleure nouvelle là-dedans, je pense, c'est l'arrivée d'un petit logiciel. C'est pas un logiciel de Apple, par contre. Et c'est pas très cher. Ça se vend 10$ sur le App Store. Mais, tu sais, c'est 10$ de trop, considérant que Apple aurait pu l'inclure avec son logiciel. Et c'est 7.2x. Qu'on peut trouver sur le Mac App Store, qui est une application qui permet d'ouvrir ou en fait d'exporter ou d'importer, là, si tu veux, à partir donc des projets qui ont été enregistrés dans Final Cut Pro 7 de pouvoir les ouvrir dans Final Cut Pro 10, parce que c'était pas possible de le faire jusqu'à maintenant. Et de toute façon, en fait, le terme « projet » s'applique pas à la même chose dans Final Cut Pro 10 que dans Final Cut Pro 7. Fait que c'était mélangeant et tout ça, mais là, il y a un petit logiciel qui permet de le faire. De faire le pont entre les deux. Là. Voilà. Mais est-ce que ça reproduit parfaitement ou il y a encore des petites lacunes? J'imagine qu'il y a encore... C'est pas parfait. Là, il y a des ce que j'ai lu rapidement, là, parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé, c'est pas parfait. Mais ça permet de quand même faire la job, parce que Apple, quand ils décident qu'il va avoir une nouvelle métaphore puis une nouvelle façon de travailler dans leur logiciel, ils ont tendance à l'imposer un peu. C'est ça qu'ils ont fait avec Final Cut Pro 10. Les gens, c'est pour ça qu'ils quittent le logiciel, mais il y a vraiment des bonnes avancées là-dedans. Sauf que le logiciel, on l'a souvent dit à l'émission, s'adresse plus à un public de prosumer qu'un public de professionnels. Des gens qui vont... Malgré que multicaméra à 64 caméras, il n'y a même pas une émission qui existe au monde, même un Super Bowl, qui peut avoir 64 caméras. Mais... C'est vrai? Même un Love Story ou je sais pas quoi? Un Super Bowl. Ah non. Tu n'auras jamais un control board à 64 caméras. Pas loin, mais... pas autant. Wow, OK. Ben, donc, en tout cas, le logiciel... je pense que c'est suffisant. Le logiciel est prêt pour l'avenir, en tout cas. Exact. Autre nouvelle. Je ne sais pas si tu connais la technologie Litho. Non, ça, je ne le connais pas. OK. Vous googlerez ça. C'est un petit appareil photo qui est sorti cette année. Et la technologie, en fait, est vraiment intéressante. C'est comme c'est une espèce de rectangle. C'est un peu bizarre comme appareil photo. Tu sais, c'est pas... ça a zéro look de quelque chose qu'on... Je viens de me souvenir de... Oui, je l'ai vu, ce petit appareil-là. Et assez cher, par contre. C'est combien? C'est 200, 300 $ quelque chose comme ça? 400-500. Ah oui, quand même, OK. Oui, c'est assez cher. OK. Il semblerait en fait que le Steve Jobs ait eu des discussions avec les gens de chez Litro. Et le but était d'introduire la technologie Litro dans le iPhone. La technologie Litro, ce qu'elle permet de faire, c'est de prendre une photo, mais à cause de leur technologie brevetée, je ne sais pas quoi, à l'intérieur des lentilles, tu prends la photo, mais c'est en post-production que tu es capable de jouer avec la profondeur de champ. La profondeur de champ. Oui. Tu ne te préoccupes pas trop de bien prendre ton macro, ton zoom, ta qualité là, de ton image, puisque tu peux le faire par la suite. C'est ça? Exactement. En fait, c'est que. Puis j'ai regardé la petite vidéo sur leur site. Tu prends une photo clean d'un endroit. Mais après ça, tu peux dire, ben le point focal, je le veux sur tel sujet ou je le veux sur le sujet en avant-plan ou, tu sais, mettons, t'as trois personnes, une en arrière de l'autre, ben tu peux rendre les deux autres personnes floues puis que ce soit la troisième qui est claire. Mais ta photo, au départ, c'est une bonne prise de vue ou tu as pris une prise de vue avec une profondeur de champ, mais tu peux jouer avec par la suite. Donc, ça permettrait d'avoir encore un appareil photo plus rapide parce que je pense que c'est vers ça que Apple s'en va. Ils augmentent sans cesse la qualité de l'appareil photo pour monsieur et madame tout le monde. Quand ils ont sorti l'appareil photo sur le iPhone, ça battait tous les appareils photo de téléphone cellulaire. Après ça, bon, ils ont évolué avec la technologie. Et là, ils sont allés contre... c'était quoi les flips? Les caméras flip? Ouais. Qui étaient vendues à 200 $ HD, tout le kit. Donc, ils ont mis de la technologie pour tasser ça du chemin. Et là, je pense qu'ils essaient de faire des choses au niveau technologique qui vont faire que l'appareil photo du iPhone remplacerait probablement des point and click. Ça remplacera jamais un appareil professionnel, mais... C'est capable d'être dans la poche de monsieur et madame tout le monde et de prendre des photos aussi bonnes qu'un appareil à 400 $ Il y a beaucoup de gens qui vont y penser à deux fois. Là, ça va donner un plus-value à l'appareil. Okay. Donc, avec la sortie en fait de Final Cut cette semaine, il y a eu d'autres mises à jour en fait. Oui, on a eu la version du système macOS 10.7.3 ouais. Qui est sortie hier. Corrige des bugs que la version Lion en a beaucoup besoin, que la version n'est pas parfaite. À ouais. 1.2 gig de download. La mise à jour est effectivement très, très lourde à 1 gig quelque. Là. Puis en plus, si les gens la téléchargent, par exemple, si tu es avec 10.7.2 et que tu la télécharges par l'utilitaire de mise à jour, je pense qu'elle est 1.07 gig. Mais si tu la télécharges, parce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec cette mise à jour-là, si tu la télécharges combo update, t'auras pas de problème à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment ceux qui l'ont téléchargé. Ben, c'est certains ordinateurs, pas ouais. tous, là, qui avaient des problèmes avec le software update. Fallait. Je pense que j'ai vu qu'il faut juste réinstaller le combo, pas le Delta. On réinstalle le combo et le problème du mot QE qui apparaît dans toutes les fenêtres, qui a des boutons, des affaires-là. C'est un problème. Avec tous les programmes, tous les logiciels dans le système. Fait qu'en réinstallant la version combo, on réglait le problème une fois pour toutes. J'en avais moi, un problème. Moi, ça a été moins qu'un gig. Ça a été 768 MB, je pense. C'est vrai? Oui, c'était moins que ça. Puis je l'ai fait directement par l'outil de mise à jour. Ah, OK. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans ceux qui ont des MacBook Pro, ils ont des choses qui ont été rajoutées. Peut-être que ça dépend de ton modèle, de ton Mac. Aussi. Peut-être. Mais il faut dire aussi que dans toutes les anciennes versions de système de macOS, que ce soit macOS 10, on s'entend là, que ce soit 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la troisième mouture de la mise à jour est la version finale du système d'exploitation, vraiment tous les bugs corrigés en gros qui règle beaucoup parce qu'on se souvient que 10.7.1 ne corrigeait que 2-3 cossins. et Dieu seul sait qu'il y en aurait eu besoin au lancement. Et mais c'est ça. Fait que toutes les versions 10.3, c'est définitivement la version la plus stable d'un système Mac OS X sorti. Historiquement, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à suggérer au commerce ou aux gens qui utilisent leur ordinateur jour après jour et qui ont besoin de quelque chose d'efficace. C'est à ce moment-là aussi que les développeurs sont rendus à dire « Bon, mais nous autres, on a pas mal corrigé de bugs aussi, qui ont sorti leurs nouvelles fonctionnalités et qui sont... qui arrivent, en fait. » Tu sais, ça fait 6 mois à peu près que le système est sorti. Puis là, ils ont eu le temps d'intégrer les fonctionnalités comme l'écran, le plein écran, tous les trucs comme ça, ou de simplement distribuer leur application dans le Mac App Store. Donc, mais pas chez Microsoft, la version plein écran encore. Pas chez Adobe non plus. Adobe non plus, exactement. C'est pas encore fait, ça. Donc, on tarde à les attendre, mais je pense qu'on va attendre, je pense, dans les prochaines versions du système. Ouais. Puis on peut dire aussi que le gros du téléchargement de ce update-là, c'était des packs de langues finalement qui ont été rajoutés, qui n'avaient pas encore dans Lion, qui ont été rajoutés. On aurait pu peut-être faire une autre mise à jour à part, une mise à jour optionnelle de ces langues-là qu'on n'a pas vraiment de besoin et qui nous a fait télécharger un gig quasiment pour rien. Là. Donc la majorité, je pense que c'est 75% du pack. C'est des langues. Une autre chose à noter aussi, c'est que l'installateur, on peut aller chercher encore. En fait, Apple propose même un outil maintenant pour fabriquer sa propre clé de démarrage. Il le faisait, mais la clé de démarrage faisait que tu connectais ton... la clé de démarrage que Apple proposait avec 10.7.1 et 0.2, si je ne me trompe pas, c'était l'équivalent de ta partition cachée sur ton disque dur. Parce qu'on sait qu'avec Lion, il y a une petite partition cachée qui contient là, une dizaine d'outils, soit Disk Utilities, Password Recovery, des trucs comme ça. Donc, et quand on branchait cette clé-là et qu'on avait un problème et qu'on voulait réinstaller, si on avait la clé officielle de Apple ou la clé fabriquée par le logiciel officiel de Apple, ce qui arrivait, c'est que fallait retélécharger Lion de toute façon. Alors que là, avec 10.7.3, Apple offre un logiciel qui permet de créer une vraie clé USB. Le seul problème, c'est que la clé USB doit être une clé de 8 gigs. Maintenant, au lieu d'une clé de 4 gigs. Avant, on pouvait l'installer sur 4 gigs. Maintenant, c'est 8 gigs parce qu'elle dépasse un tout petit peu le 4 gigs. Est-ce que tu peux rajouter d'autres outils comme DiskWire, TechTool Pro ou des trucs comme ça sur cette clé-là? De la manière que je le ferais, parce que habituellement, en fait, c'est une clé d'installation. Je ne sais pas si tu peux pas faire plusieurs partitions sur la clé pour justement pouvoir aller installer du bootable de DiskWire, du bootable de Data Rescue, par exemple, des trucs comme ça. Mm-hmm. C'est un bon test que je ferai. Mais j'ai pas encore trouvé une clé USB assez fiable puis foolproof que je passerais du temps à installer tous ces outils-là dessus. OK. D'ailleurs, j'ai trouvé un site pour les gens qui seraient peut-être intéressés. Il y a des logiciels qui ne sont pas compatibles Lion. Alors, si vous voulez tester, si vous voulez voir si votre logiciel est compatible ou pas avec Lion, il y a un site qui s'appelle roaringapps.com. Je vais mettre le lien dans le chat. On va le mettre aussi dans les notes de l'émission. C'est un site tout simplement pour vérifier si votre application est pleinement compatible ou pas avec Lion, et sinon pourquoi qu'elle ne l'est pas compatible. Donc, c'est peut-être un site pratique à aller consulter. Est-ce que tu peux nommer aussi le nom de l'application que tu nous as dit un peu avant pour désinstaller les packages de langue que tu as trouvé sur SoundForge? Tu t'en souviens-tu? Monolingual. Monolingual. Si je peux retrouver le lien. Il y a l'application, en fait, que vous pouvez trouver à peu près sur n'importe quel site si vous avez un Apple, parce qu'ils achètent de la pub vraiment partout. MacKeeper, qu'on ouais. voit un peu partout, que j'ai essayé, qui est une belle interface. Moi, j'avais vraiment peur de cette application-là. Et finalement, bon, ben ils mettent plusieurs choses ensemble. Je sais pas s'ils le font très bien, mais ça semble fonctionner correctement. Puis ils font aussi, ils désinstallent les langues. OK. Voilà. C'est une autre façon. Monolingual est vraiment... juste pour les langues. Sa fonction première, c'est juste ça. Donc, si tu veux garder l'anglais, français, puis virer tout le reste, l'application fait juste ça comme... comme travail. Mm-hmm. Ouais, parce que ça prend à peu près tous les langages, tous les fichiers de langue, ça prend à peu près quoi, 1 gig environ dans le système. Ouais. Fait que vous sauverez 1 gig avec ça. Là. Fait que, ça ouais, paraît. Je sais pas si la recette à Alexis, par exemple, je pense que ça enlevait les langues aussi à l'intérieur de d'autres logiciels que le système d'exploitation. Puis je sais pas si Monolingual le fait aussi pour d'autres applications que le OS. Ça, faudrait voir. Là. Tu veux dire MacKeeper qui enlèverait les langues dans d'autres packages? Oui, mais il semble qu'il enlevait les langues aussi dans d'autres applications. Je ne suis pas sûr si c'est ce logiciel-là ou un autre, mais il y avait une façon aussi d'enlever les langues dans d'autres applications que ton OS. C'est pas tout le temps une bonne idée nécessairement. Là. Si tu as une application japonaise ou je ne sais pas quoi, là, les gars l'ont codé comme ça, puis ils ont rajouté un package de langues dedans. Puis c'est ça qui sauve, mais toi, tu viens d'enlever le japonais, l'application n'aura pas ça. Là. C'est pas, Tu vas broyer ta mère. Voilà. Ouais, puis de toute façon, le but d'enlever les autres langues, c'est plus pour garder de la place, mais si tu as déjà en masse de place, disons que ce n'est pas une priorité numéro un de le faire. Donc, on évite de le faire si on n'est pas obligé de le faire, mais si vous avez vraiment besoin de récupérer un gig, par exemple, d'espace, d'enlever des packs de langues superflues, ce serait une bonne idée de le faire. C'est un moyen facile avant de faire le ménage des doublons. Parce qu'il va en avoir beaucoup. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. C'est un peu pour... C'est pas dans l'autre show, ça? Non, mais c'est un peu pour changer de sujet, là, aussi. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi Apple a fait le switch au processeur Intel? Oh! La raison numéro un. C'était pas pour le courant qu'un processeur prenait, il voulait diminuer le plus possible? Voilà, donc c'était pour avoir la puissance par watt. Et donc, le G4, qui était un processeur qu'il y avait à l'époque dans leur portable, et ça faisait longtemps là, qu'ils tiraient la sauce du G4, et il y avait les ordinateurs de table qui étaient G5. Et là, Steve avait montré un petit graphique où est-ce qu'il disait le G4, en termes de puissance par watt, il est là, puis le G5, il est là. Fait que ça voulait pas dire que l'ordinateur était plus lent. Ça voulait juste dire que ça lui prenait plus d'électricité pour pouvoir offrir plus de puissance. Et évidemment, le G5 est un processeur qu'on pouvait pas mettre dans des portables. Je fais la genèse de ça parce que cette semaine, puis avec évidemment la venue d'Intel, ben une des casualties, si vous voulez, là, un des trucs qui est venu avec ça, c'est le fait qu'on pouvait installer Windows parce que c'était un processeur Intel. Et que Windows, depuis Windows 95, ne s'installe que sur des processeurs x86. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, il y a eu une conférence Microsoft. Et dans cette conférence-là, ils ont dit, oui, la réponse est dans le chat, effectivement, ils ont dit que les processeurs allaient fonctionner, ils ont dit que le Windows 8 allait fonctionner sur les processeurs ARM. OK? Ouais. Moi, cette semaine, je suis tombé sur une news à propos d'une petite compagnie qui s'appelle Tilera. Okay? Cette compagnie-là, en fait, veut chauffer les fesses de Intel sur le marché des serveurs. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé, parce qu'un processeur ARM, ben en fait, c'est un processeur que tout le monde peut acheter le core, si tu veux, le processeur de base, et développer avec ça. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont fait un 36 cœurs avec du ARM. Donc, on avait, tu sais, l'iPhone 4, mettons, il y a un cœur dedans. L'iPhone 4S et l'iPad 2, il y a deux cœurs. Eux autres, ils en ont mis 36 des ARM processors, des cœurs de ARM processors, un à côté de l'autre. Et il semblerait que le processeur, en fait, est capable de chauffer les fesses au processeur Intel quand même de façon assez intense au niveau des serveurs et en prenant beaucoup moins d'électricité que le processeur Intel. Puis là, je me suis dit, attends, si Windows est capable de rouler sur du ARM, que Apple s'est acheté une compagnie qui est capable de développer, parce qu'on le sait, là, il y a une couple de, il y a 2-3 ans, ils se sont achetés une compagnie, je me souviens plus c'est quoi le nom, faisait des processeurs pour l'armée, entre autres. Donc, ils ont une compagnie qui sont capables de leur développer des processeurs ARM custom à eux, et que Windows est capable de rouler sur des processeurs ARM. Moi, j'ai comme l'impression que Apple va sacrer le camp de Intel pour les ordinateurs de table et les ordinateurs portables. Ou en fait, si l'économie d'électricité se fait beaucoup, beaucoup, je suis à peu près sûr que pour les portables, ils vont s'en aller vers autre chose. Fait que c'est comme une intuition, là. C'est comme, tu sais, c'est de regarder où est-ce que ça s'en va. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que j'avais pas vraiment vu ailleurs. Tu sais, il y a eu plein de rumeurs au cours des années comme quoi, ils vont commencer avec AMD, parce qu'ils sont allés avec Intel, ils vont prendre AMD, mais AMD, c'est comme anti-Apple dans le sens où le processeur prend plus d'électricité et il est plus lent que des processeurs Intel. Fait que... Okay. Et la compagnie que tu parles, j'ai fait une petite recherche là, pendant que tu parlais. Oui. J'ai vu qu'elle s'appelait PA. PA Semi. PA Semi. PA Semi, oui. PA Semi, ouais, on va le dire en anglais. Puis, c'est marqué dans le texte, l'un des principaux concepteurs de puces Alpha et Strong ARM. Tiens, ARM dedans. Voilà. Peut-être un petit indice là-dessus. Moi j'ai comme l'impression, j'aime ça regarder, en fait, où ça s'en va. Puis, ça aurait plein d'allure. Quand ils l'ont fait, le move, ils l'ont fait... Ils l'ont fait. Il y a Oops qui nous dit qu'ils vont plutôt aller sur les processeurs A5. Mais un processeur A5, c'est un processeur ARM à la base. C'est juste qu'il est à la sauce. C'est un A9 Cortex. C'est le processeur ARM A9 Cortex. Et ils l'ont programmé un peu à leur sauce. Puis mis un engin graphique, entre autres, dedans, qui est très, très puissant. Et donc, ils pourraient faire plusieurs processeurs A5 ou A6, là. On pense que dans le iPhone 5, ils vont avoir le processeur A6. Donc, ils pourraient en mettre plusieurs de ça, un à côté de l'autre, et faire des machines quand même très, très performantes qui dureraient très, très longtemps au niveau de la batterie. Donc, en tout cas, si Apple peut le faire, je suis sûr qu'ils vont aller vers ça. C'est une prédiction. Donc, on va suivre ça de près. Au niveau des processeurs, des iPhones puis des iPads, c'est justement la compagnie PA Semi qui ont fait ces processeurs-là, je ne me souviens pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en achetant PA Semi, ils se sont appropriés les brevets, ils se sont appropriés les têtes dirigeantes, en fait, le manpower de la compagnie. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui, à cause du rachat, sont partis de chez PA Semi. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils en ont acheté une autre là, qui avait à voir avec les processeurs ARM ou la compagnie qui s'occupait des cartes graphiques des iPhones. Je suis pas certain à 100% de ce que je dis là, mais en tout cas, tu sais, s'ils développent, tu as une équipe, tu dis ben vous avez tout à développer sur le même processeur, que ce soit iOS dans les petits appareils, que ce soit dans les iPads ou que ce soit dans les ordinateurs, c'est tout le même processeur, ça risque d'être assez intéressant. Puis on n'a pas de fusion, on avait prédit aussi une fusion des tout ce qui est ordinateur, mobile, tout ça, avec le même OS, la même architecture de processeur également. Bien, ça s'en va vers ça en regardant comment Apple est en train de restreindre les possibilités sur OS X, puis comment en fait ils sont en train de les étendre sur le téléphone. J'ai l'impression que ça ne prendra pas tant de temps que ça avant que les deux se rencontrent, là. Donc, comme autre sujet, vous avez discuté, toi et Jean-François, cette semaine de bourse. Moi, je ne suis pas trop bourse, là. Je suis On est proche de notre argent, moi et Alexis. Ah bon, mais vous avez fait des petites découvertes là-dessus. Oui, bien en fait, c'est juste qu'on s'est amusé avec les chiffres qui sont sortis la semaine passée. On sait qu'Apple a vendu 38 millions de téléphones, 15 millions de iPads. C'est devenu, en fait, ils viennent de dépasser LG comme la troisième plus grosse compagnie vendeur de téléphones au monde. Et ils sont première compagnie vendeur de smartphones au monde. Ils ont dépassé Samsung. Mais bon, les deux compagnies qui sont en avant d'eux au niveau des téléphones cellulaires en général, c'est Samsung et évidemment Nokia encore. Parce que Nokia est très présent là, dans les marchés des téléphones un peu moins dispendieux. Donc, fait que les chiffres sont sortis, ils viennent de se rajouter 13 milliards de profits. C'est comme plus que ce que Google a fait en termes de chiffre d'affaires. C'est complètement ridicule. Là. Ils sont à 456, je pense. C'est ça, on avait regardé, Jean-François. Il était à 456 $ hier ou quelque chose comme ça. Là. Ça vaut avant-hier. Plus cher. Avant-hier. Ça vaut plus cher que Exxon. C'est la compagnie qui a la capitalisation boursière la plus élevée. Puis là, moi, j'ai calculé, puis je me suis dit, OK, quand je me suis rapproché, en fait, du monde d'Apple, c'est quand j'ai commencé à en vendre au magasin où est-ce que j'étais engagé, en 2001, à peu près, là, il me semble que c'était là. Puis là, je me suis dit, puis je me suis intéressé au Apple, ça a pris peut-être un an. Si on regarde, en fait, le 13, en avril 2002, OK, l'action de Apple valait 13,06 $, OK. C'était le prix. Et le calcul que j'ai fait est pas bon parce que entre 2002 et 2011, il y a eu ils ont séparé les actions. OK? Donc, tu achetais des actions, puis à un moment donné, ils trouvaient qu'il était trop élevé. Donc, ils coupaient en deux, puis ils donnaient deux actions qui ensemble valaient le prix de une, mais ils venaient de doubler tes actions. Fait que, bref, le chiffre que j'ai est pas très bon, mais on va faire un calcul rapide. Donc, c'est ça. Mais 1 000 $, OK, mettons qu'on mettait 1 000 $ en 2002 à acheter des actions. Bon, donc 1 000 $ divisé par 13,6, je pense que ça fait autour de 76 actions qu'on pouvait acheter et qui aujourd'hui à 456 $ vaudrait 34 000 $. Mais j'ai même pas pris en considération le fait qu'il y avait eu cette séparation d'actions-là. Donc, j'ai comme l'impression que c'est plus 68 000 $ que 34 000. Puis ça veut dire que tu faisais une mise de 1 000 $ puis tu avais 68 fois ta mise en 10 ans, ce qui est quand même assez intéressant. Là, moi, je connais pas beaucoup de monde qui ont investi dans leur REER puis qui ont eu 68 fois leur mise depuis. Non, moi, j'ai une baisse de 7 % cette année. Intéressant. J'espère que ça va te ramener sur tes impôts. Oui, ça, c'est pas facile. Mais il y a des gens qui vont être bien contents au Wisconsin. Il y a des écoles qui vont hériter de 600 iPads de gracieuseté d'une cause contre Microsoft. Oui, effectivement. En fait, c'est... dans cet état-là, Microsoft s'est fait poursuivre pour avoir... je crois que c'est... en tout cas, les gens se faisaient dire « t'es obligé d'upgrader » ou quelque chose comme ça. En tout cas, bref, Microsoft s'est fait poursuivre. Ils ont perdu. Ils ont été obligés de payer un certain montant. Et l'État qui a reçu le paiement de Microsoft... en fait, c'est c'est une poursuite de clients qui disait que Microsoft surchargeait pour ses logiciels. Et donc, l'État a gagné, puis ils ont décidé d'acheter 600 iPads équipés de iBook 2 et tout ça pour l'éducation là-bas. Donc, je trouvais ça très drôle de voir ça, là, que Microsoft est comme pogné à acheter du matériel de ses... compétiteurs, mais malgré qu'une tablette Microsoft, il n'y en a pas encore. Non. Non, effectivement. Ils se font pousser à, je pense que... Ouais, c'est ça. Windows 8 est supposé être compatible tablette, là, tout ça. Mais c'est pas encore là. Non. Il y a une application qui s'appelle QuasiDisk. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Ouais, ben GF et moi, on en parlait justement cette semaine. L'as-tu téléchargé, GF? Non, j'ai pas eu le temps. T'as pas le temps. De temps en temps, il arrive sur le App Store comme ça des applications. Puis quand la nouvelle sort que l'application est sur le App Store, souvent, on va te dire dans la description, on ne sait pas comment ça a fait pour passer le processus de sélection de Apple. Parce que c'est une application qui s'appelle QuasiDisk. OK. L'application, à la base, là, elle fait quelque chose qu'il y a déjà un paquet d'applications font sur le App Store. Et en fait, une autre des choses qu'elle fait, c'est de pouvoir, par proxy, autoriser le tethering gratuit aux États-Unis du iPhone à l'ordinateur. Parce qu'on le sait, aux États-Unis, il faut payer un surplus pour pouvoir faire le tethering. Donc, cette application-là, QuasiDisk, permet de le faire. Et évidemment, elle a été enlevée du App Store très, très rapidement. Je pense la journée même, elle a été enlevée. Mais moi, j'ai réussi à la télécharger. Quand je vois habituellement des applications comme ça apparaître, j'en fais la collection. Je télécharge des applications que je sais que clairement, cette application-là va être enlevée du App Store. Je trouve ça drôle. Fait que dans la bibliothèque de 500 applications iPhone que j'ai quelques applications comme ça. Entre autres, je pense que c'est NetAttack ou quelque chose comme ça. Une des premières applications qui permettait le tethering. Là. J'avais même pas d'iPhone encore. Il n'était pas sorti au Canada. Mais cette application-là avait réussi à passer sur l'App Store. Et je l'avais téléchargé. Je trouvais ça très drôle d'avoir une application, mais pas de téléphone. Ouais. Pas pratique. Non, mais je savais que j'allais avoir le téléphone éventuellement. Et je voulais cette fonctionnalité-là. À l'époque, je faisais beaucoup de trains de banlieue. Puis ça a été très, très pratique de l'avoir dans le train de banlieue. Mais si vous savez que j'ai une adoration pour les bundles, il y a un super bundle qui est sorti cette semaine. Et je voulais vous en faire part parce que il vaut le coup, celui-là. L'autre qu'on avait eu il y a quelques semaines, il valait pas vraiment le coup, mais celui qui est sorti cette semaine, lui, il vaut vraiment la peine. Il nous reste 5 jours pour l'acheter. Pardon. Alors, pour 49 $, on a un paquet de bons logiciels. Alors, si vous n'avez pas ces logiciels-là, c'est le bon temps d'aller les acheter, d'aller acheter le bundle. Donc, il y a Parallels 7, nouvelle version. Donc, déjà en partant, ça vaut une bonne centaine de dollars à peu près, canadiens. Mm-hmm. Little Snapper, pour faire des bons screenshots d'écran. Voilà. Les gens qui veulent se mettre au HTML5, ça serait le bon temps avec le logiciel Flux3. Ceux qui aiment bien convertir leurs vidéos, qui ont besoin d'un outil de conversion supplémentaire, parce qu'il y en a plein, il y a Video Converter 2. iStop Motion, un très bon logiciel pour les gens qui veulent faire des petits vidéos, comment on appelle ça, frame par frame. Là, image par image. Image par image, voilà. Donc, logiciel de la même compagnie qui font Bungs TV. Donc, c'est de la compagnie Bungs. Donc, iStop Motion. SyncMate pour synchroniser un outil de synchronisation. Je connaissais pas ce logiciel-là. Ça a l'air solide, le SyncMate. Je l'ai pas encore essayé parce que j'ai acheté le bundle, mais ça a l'air vraiment très bon parce que tu dis tous les endroits où est-ce que tu as des médias, que ce soit Dropbox, que ce soit SugarSync, Amazon ou d'autres, tes disques durs externes, puis tu peux programmer toutes les synchronisations que tu veux. C'est comme un centre de synchronisation. Ça a l'air vraiment bien. Oui, moi, je m'intéresse beaucoup ce logiciel-là. Il y a également iStats Menu 3, bien sûr, un logiciel pour surveiller toutes les entrailles de son Mac. Moi, ton processeur chauffe un peu, tu vas le voir là-dedans. J'ai acheté le bundle, oui. Mais iStats, okay. Je l'avais déjà. Fait que j'ai refilé ma clé à Vincent. Fait qu'il va pouvoir regarder. Bien. Ben oui. Si vous voulez faire des slideshows un peu plus professionnels, il y a un autre logiciel qui s'appelle Fantashow. Un autre pour avoir plusieurs presse-papiers, donc une gestion de presse-papiers. Le logiciel s'appelle Qclips. Puis finalement, l'application bonus s'appelle Chronicle pour une gestion des factures. Donc, tout ce bundle-là vaut environ 471 $ et vous est laissé pour la modique somme de 49 $. Bien sûr, vous détenez, c'est des vraies licences, donc c'est tout à fait légal, on vous le rappelle, des bundles. Quand ça apparaît, on se les procure parce que des fois, on s'en mord les doigts par la suite quand on ne l'a pas acheté. Moi, une chose à noter aussi, c'est qu'à l'achat, ils sont effectivement 49 $. Mais quand vous l'achetez à 49 $, vous avez 30 jours, je crois, pour télécharger les applications. Fait qu'une fois que vous les avez téléchargées puis que vous avez pris en note vos numéros de série, l'idéal est peut-être de les sauvegarder à 2-3 places. Parce que justement, si vous les perdez, vous ne pourrez pas les retélécharger. Sinon, la compagnie Nova Développement, ou en tout cas le site web, propose pour 10 $ de pouvoir les retélécharger pour 2 ans. Je crois. Donc, c'est 10 $ de plus à l'achat. C'est peut-être là qu'ils vont rechercher des sous, eux autres. Oui, probablement, oui. OK. Puis bien souvent, les bundles, bien, une partie des profits vont pour des bonnes causes. Je ne sais pas pour celui-là, je pense que oui. Je ne sais pas si j'ai vu ça quelque part, mais... Habituellement, ils sont du genre à l'annoncer en gros, puis là, je ne vois rien, là, mais... Non, c'est ça. Peut-être dans un article que j'avais vu ça. Généralement, il y a une partie des profits qui vont à une bonne cause, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, de toute façon, 49 $ pour avoir tous ces logiciels-là, ça vaut vraiment le coup. Puis là, ceux qui veulent développer en HTML5, le logiciel vaut 120 $. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Flux, c'est un excellent logiciel. Ça a l'air très, très bien. Puis ça a l'air assez facile à prendre en main en plus. Oui. Voilà. Bien, je pense que ça fait pas mal le tour des sujets qu'on voulait discuter cette semaine, à moins que vous aviez des sujets de dernière minute là, que vous vouliez discuter. Ouais, on pourrait peut-être parler de 5 minutes, genre, là, de l'application Airport qui est sortie cette semaine aussi. Ah oui, c'est vrai. Avec ce qu'on a parlé avant le show. OK. Apple ont sorti la version Airport Utility 6.0 la semaine passée, qui ressemble... beaucoup l'application Airport Utility sur les iPhones et les iPads. La seule chose que Bernard nous a fait part avant le show, c'est qu'ils ont enlevé des fonctionnalités dans cette mise à jour-là, pas pour le commun des mortels peuvent utiliser, mais pour les développeurs ou les personnes en réseau. Les power users. Ouais. Les power users, oui, merci. Ouais. Ça, je cherchais aussi comme mot. Ils ont enlevé 2-3 choses dedans. Fait que... ben, par exemple, le fait de pouvoir jouer sur la puissance d'émission de son routeur au lieu d'être toujours à 100%, surtout quand on est en ville puis qu'on est dans un bloc appartement puis qu'on est sur un niveau puis bon, on n'a pas besoin de la pleine puissance de son routeur, bien souvent, c'est bon de réduire sa puissance un petit peu. D'autant plus que ça peut créer des interférences avec d'autres. Ça, on ne peut plus le faire. Gestion des imprimantes, c'est disparu à l'intérieur de la nouvelle version. Par contre, un paquet de choses là, qui ont disparu, mais heureusement, il y en a d'autres qui sont apparues. Oui, bien, entre autres, en fait, je pense qu'Apple a ajouté la fonctionnalité pour gérer les disques durs sur les AirPort Extreme. Donc, j'ai comme l'impression que en y ajoutant un disque dur, on se retrouve avec une espèce de time capsule, là, si on veut, puis que Apple a rendu cette fonctionnalité-là, disons, legit, parce qu'avant, bon, ils ne la supportaient pas vraiment. Ils ont aussi transformé, parce que jusqu'à maintenant, dans la borne, on avait une fonction qu'on pouvait activer qui s'appelait « Back to my Mac ». Et en fait, non, je me trompe, c'est deux choses. Il y a une fonction qui s'appelle effectivement « Back to my Mac », mais l'autre fonction, c'était la possibilité de configurer son AirPort à distance. Et pour ça, il fallait rentrer son compte MobileMe dans l'appareil. Mais là, en fait, ben, c'est le compte iCloud qu'on rentre dans l'appareil et on est en mesure de faire la configuration à distance de ça. D'ailleurs, je pense pas aux amateurs de Mac, là, mais pas cette semaine, mais on devrait parler. Là, il y a un article qui a été écrit sur comment pouvoir à distance aller chercher de l'information directement dans sa time capsule. Donc, c'est Monsieur Ducharme, là, je pense, qui a montré comment faire à Kim. Utiliser son routeur pour accéder à ses fichiers à distance via le cloud. Oui, c'est ça. Ben, en fait, via Internet. Fait que c'est comme si le cloud était chez toi. C'est comme un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens où tu veux pas nécessairement... Il y a peut-être des données sensibles que tu as, que tu voudrais pas mettre chez Google pour que du jour au lendemain, ils changent leur politique de licence d'utilisation, puis que tu te retrouves en fait à ce que... le matériel que tu mets là-dessus, il leur appartient pas, mais ils peuvent l'utiliser comme bon leur semble, puis tout ça. Là. Fait que des fois, ça a du bon d'avoir ces données à la maison. Mais effectivement, il y a la fonction « Back to my Mac », je pense, qui a été remise. OK. Puis Vincent, dans le chat, nous parle aussi que ça facilite l'accès à d'autres bornes également. Donc, quand on ouvre notre nouvelle AirPort Utility, la première interface qu'on voit, notre Mac Internet, notre borne, puis les bornes reliées à notre borne. Donc, celles qui sont en bridge sur notre borne. Donc, on peut les voir aussi et les configurer également. Voilà. Oui. Mais moi, j'aime ça. L'interface, c'est cute, c'est facile. Comme on l'a dit au début, c'est pour monsieur et madame tout le monde, pour leur simplifier la tâche. Mais effectivement, là, il y a certaines petites options qui étaient là et qu'on a perdu malheureusement. Donc, pour les gens qui voudraient réavoir les anciennes fonctionnalités, on vous conseille de garder, si vous ne l'avez pas encore fait la mise à jour, garder en copie l'ancienne version 5.6, puis ou bien essayer de vous la trouver quelque part, télécharger la nouvelle si vous voulez avoir les nouvelles fonctionnalités, puis garder l'ancienne si vous voulez avoir accès aux anciennes fonctionnalités. Peut-être qu'il va y avoir une mise à jour bientôt qui vont rajouter les anciennes versions. Sinon, on se demande pourquoi ils ont enlevé ces fonctionnalités-là. Voilà. Je pense que ça met un terme au show cette semaine. On va se prendre un petit 10 minutes, puis peut-être même réussir à arriver pile à l'heure pour les amateurs de Mac. Bonsoir. Moi, je dois déplacer mon setup. Ça m'a fait très plaisir pour ma part d'être avec vous cette semaine, messieurs. Oui, puis on peut te rejoindre à quel endroit, Alexis? On peut me rejoindre au Alex Cornelier sur Twitter. Et on peut aussi, il y a des gens qui l'ont fait cette semaine, plus sur Twitter que sur Mac Québec, mais sur le site de Mac Québec, il y a une section maintenant « Service ». Et si vous avez besoin de quelqu'un en urgence qui vient vous sortir du pétrin parce que votre ordinateur, le disque, s'est corrompu et que vous n'êtes pas comme Jean-François qui est capable de le faire lui-même comme un grand garçon, vous pouvez m'appeler. Oui, c'est ça, mais tu l'as fait très bien, ça t'a pas pris de temps, puis tu as pu te joindre à nous. Mais si c'est pas nécessairement votre cas, vous pouvez nous rejoindre sur Mac Québec. Et puis pour ma part, j'estime que peut-être ce que vous demandez, je suis incapable de le faire, je connais beaucoup de monde, donc on va être capable de vous trouver quelqu'un qui va vous donner un coup de main avec votre Mac. Merci beaucoup, Alexis. Et toi, Jean-François, on peut te rejoindre comment? On peut me rejoindre sur Twitter à JFroy1979, aussi sur Google+, que j'utilise un peu, on va dire. Fait que, puis c'est ça, vous pouvez me rejoindre à ces deux places-là. Excellent, puis pour ma part, vous pouvez me rejoindre sur Twitter avec @cybernard. Donc, on vous remercie beaucoup de votre attention et de nous avoir écoutés une fois de plus. Merci beaucoup, Alexis et Jean-François. Oui. Ça fait plaisir. Puis effectivement, on est très content que les gens soient revenus malgré les 2-3 semaines de problèmes techniques qu'on a eus. Je pense que ça devrait être réglé à partir de maintenant. Oui, on vous remercie. Merci beaucoup. Puis pour les gens qui sont avec nous présentement à l'enregistrement du podcast, restez avec nous. Dans quelques minutes, nous aurons les amateurs de Mac. Bonsoir. Merci beaucoup et à bientôt. C'est sur une autre page. Bye-bye. Bye. Bye.